Accompagner son animal de compagnie dans la mort. Donc, c'est le titre de la capsule audio présente où il va être entre autres question d'euthanasie. Et avant de commencer à proprement dit, en fait, je fais une petite mise en garde pour les gens qui sont peut-être pas nécessairement à l'aise avec ce type de sujet-là parce que je comprends que c'est lourd. Donc écoutez, si vous n'êtes pas à l'aise d'entendre parler de mort d'animaux, je vous propose tout de suite d'arrêter d'écouter la capsule. Pourquoi je fais cette capsule? À des fins d'intégration de mon vécu. Et une de mes optiques quand que je prends la parole, ben, c'est d'être capable d'étudier différents sujets avec ma conscience, ma sensibilité. Puis des fois, en le parlant à voix haute, il y a des prises de conscience supplémentaires qui peuvent se faire. Donc, c'est une des utilités. Donc, aujourd'hui, ben, je vais parler de l'euthanasie qui a été faite là, par rapport à mon animal de compagnie là, dans les derniers jours. Et moi, je l'ai accompagné là, jusqu'à son dernier souffle. Donc, ça va être l'objet là, de la capsule aujourd'hui. En même temps, ben, je voulais quand même ultimement faire un remerciement aussi aux gens. Il y a quelques jours, j'avais fait une capsule vidéo que là, j'ai retirée, où je demandais aux gens là, de s'ils y avaient envie de participer avec moi là, à favoriser la santé de mon animal de compagnie, en visualisant tout simplement là, que sa santé s'améliore. Bon, moi, j'avais fait un traitement énergétique là, par rapport à mon chat, l'imposition des bains. Il y avait même une personne qui m'a proposé là, d'opérer le point zéro par rapport au chat avec une petite formule. J'ai essayé ça, j'ai essayé différentes choses. Pourquoi? Parce que je sentais que mon chat était un tournant dans son existence. Puis la tournure des événements des derniers jours, en effet, me l'a confirmé. Et bon, il y a quelques jours, j'avais essayé que la science conventionnelle, un traitement pour favoriser la guérison de mon chat. Et en même temps, ben, j'ai essayé comme alternative, pourquoi pas, de bénéficier de la présence des gens qui avaient envie là, de m'accompagner là, dans une démarche pour favoriser la santé de mon chat. J'avais proposé de faire l'exercice tout simple de regarder mon chat et de visualiser le chat en santé, en m'appuyant sur le principe de la physique quantique, de la non-séparabilité des éléments, et du simple fait d'observer quelque chose pour avoir une incidence dessus. Donc, si ça peut avoir un impact, ce principe d'observateur qui a une incidence sur l'objet de l'observation dans des expériences scientifiques, pourquoi pas l'essayer par rapport à l'observation d'un animal de compagnie. Donc, ça n'a pas donné le résultat escompté dans le sens que le chat n'est pas guéri, n'a pas retrouvé la santé, bien que je l'ai visualisé, ma compagne aussi, puis plusieurs personnes que je remercie encore une fois là, sur Internet là, qui m'avaient envoyé des messages qu'en effet, ils avaient visualisé le chat pendant environ une minute en santé, donc pendant un certain laps de temps, faire une forme de visualisation à distance. Ça ne s'est pas actualisé, mais au moins j'ai la satisfaction personnelle de l'avoir essayé. Donc, c'est un petit peu. Moi, je serais un petit peu par rapport à la question de la santé, utiliser les approches conventionnelles, puis pourquoi pas d'autres approches parallèles, au cas où que ça fonctionne. Donc, l'idée de mettre toutes les chances de son côté, toutes les probabilités de son côté. C'est sûr que quand je regarde la chose avec recul à l'égard de la physique quantique, bon, c'est sûr que la démonstration de l'impact de l'observateur, c'était au niveau de l'expérience scientifique, c'était au niveau d'éléments plus petits que l'atome, que ça avait une influence. Donc, probablement que au niveau de l'énergie, c'est moins important en termes de charge énergétique d'influencer, par exemple, un proton que d'influencer un choc qui est composé de plusieurs protons, d'électrons, d'atomes, de molécules, et ainsi de suite. Donc, c'est sûr que ça doit demander plus d'énergie. Mais en même temps, d'avoir partagé ce projet de visualiser le chat en santé à travers une vidéo m'a amené différents commentaires sur différentes pistes. Il y en a un que j'ai trouvé ça très intéressant, puis ça m'a mis en vibration, à savoir, est-ce que le chat veut guérir, dans le sens que la personne m'avait écrit comme message. Ultimement, c'est le chat qui décide. Et là, j'ai trouvé ça intelligent. Parce que nous autres, on peut avoir une très bonne volonté, visualiser pendant plusieurs heures consécutives que le chat retrouve sa santé, mais est-ce qu'il le veut? Ça me fait penser un petit peu dans le domaine médical. Un médecin peut être très... une médecine conventionnelle ou un guérisseur peuvent être très bien intentionnés par rapport à un individu, mais est-ce que l'individu qui est confronté à un problème de santé important, qui peut lui être fatal, est-ce qu'il le veut guérir? Et c'est la question qu'il faut poser, parce que la volonté de guérir, de vivre, c'est celle qui va mettre en action les capacités d'auto-guérison qui peuvent être latentes au sein de l'individu ou son plein potentiel. Et cette question-là qui se pose peut se poser naturellement là, par rapport à l'animal. Ensuite, le fait d'en avoir parlé, ben, ça m'a mis en contact avec la question des croquettes, à savoir, ben, je ne reviendrai pas sur la vidéo, l'une des vidéos récentes que j'ai faites par rapport à ça, mais essentiellement, c'est que si quelqu'un donne comme alimentation principale des croquettes, ben, ça peut être intéressant de regarder qu'est-ce qui compose ces croquettes-là et s'il y a beaucoup de sucre. Comme dans mon cas, il y avait un tiers à peu près de sucre. C'est sûr que les animaux dans la nature, surtout un chat, c'est un carnivore. Il n'est pas programmé pour manger essentiellement du sucre. C'est plutôt des protéines. Or, le sucre, naturellement, ça coûte moins cher à mettre dans des produits que des protéines, là, c'est-à-dire des résidus de viande là, pour les industriels qui vont faire, par exemple, de la viande comme des croquettes. Donc, ça peut être économique, mais c'est de voir est-ce que c'est sain pour le chat, ou ne serait-ce que se poser la question, est-ce que la nourriture que notre chat mange est saine pour lui? Répond à ses besoins est adaptée et d'observer par rapport à ça, en faire l'étude. Donc, c'est sûr que par rapport au chat, bon, j'ai tenté une expérience en relation avec la physique quantique mobilisant plusieurs personnes. Ça ne s'est pas actualisé. Il peut y avoir plusieurs variables, la volonté de vivre du chat. Ensuite, la charge énergétique déployée par rapport à l'ensemble de l'organisme. On s'entend, ça a été une expérience peut-être d'agir sur des protons ou des trucs plus petits. Peut-être qu'il y aurait eu plus de résultats. Ça demande moins d'énergie que si c'est aussi vaste qu'un organisme vivant. Ensuite, c'est sûr, comme je disais, la réceptibilité du chat à tout ça, hein? Puis il y a d'autres variables aussi, l'espérance de vie, la programmation. C'est sûr que dans mon cas, par rapport à mon chat, en plus d'avoir une tumeur suite à analyse en laboratoire qu'on a vu que c'était un cancer, bon, bien, il y avait aussi le fait qu'il était âgé de 16 ans et qu'il avait un problème d'insuffisance rénale. Donc, sur la radiographie qui avait été prise par rapport à lui, on voyait que les reins étaient plus gonflés, puis la vétérinaire avec laquelle j'ai parlé, dans le fond, m'expliquait que si les reins ne fonctionnent pas comme il faut pour filtrer le sang, ce qui arrive, c'est que progressivement, le chat va s'intoxiquer dans son organisme, parce que les reins ne filtrent pas les éléments qu'il absorbe comme il faut. Ensuite, ça va lui donner des nausées. Et s'il y a des nausées, eh bien, il n'y aura pas le goût par la suite de se nourrir. Parce que, dans le fond, quand quelqu'un a envie de vomir, il n'y a pas le goût de manger. C'est le même principe qui s'applique à l'animal. Donc, c'est ce qui pouvait expliquer pourquoi, dans les derniers jours, il y avait non seulement diminué sa consommation de nourriture, mais dans les jours qui ont précédé son décès, là, donc vendredi dernier, il ne mangeait plus. C'est sûr, un être vivant qui a continuellement la nausée parce que les reins ne fonctionnent pas comme il faut, ne veut plus manger. S'il ne veut plus manger, ben, il se laisse dépérir. Donc, par rapport à l'insuffisance rénale, ben, ça, c'était lié au vieillissement. Ce que m'expliquait le vétérinaire, tout dépendant les types d'animaux, ils ont chacun des failles. Comme le chat, souvent, ce qui va manquer, c'est les reins avant le cœur. Tandis que pour ce qui est des chiens, tout dépendant la sorte, bon, ben, dans certains cas, ils vont plus mourir de cancer. Des fois, ça peut être le cœur, et ainsi de suite. Ils ont des failles. Et ça, c'est en fonction des différents types d'animaux. Et par rapport au chat, ben, c'est sûr que même s'il aurait été, comme expliquait la vétérinaire, même s'il aurait été, on y aurait enlevé la tumeur liée au cancer, ça n'aurait pas réglé le problème par rapport à l'insuffisance rénale. Et probablement, ce qui est arrivé, c'est qu'elle m'expliquait, elle dit, ben, des fois, il y a des chats qui, après un certain nombre de temps, qui n'ont pas mangé, ils ne veulent pas se remettre à manger. Puis là, ils se laissent dépérir, puis là, ils deviennent squelettiques et ils se laissent dégrader là, au fil des jours. Là, c'est vraiment pas beau à voir. Par rapport au chat, j'étais confronté à une voie un petit peu sans issue, parce que même si on l'opérait par rapport à la tumeur, ben, il y aurait plus ça qui est arrivé. Ensuite, il y a peut-être des métastases qu'on ne voyait pas qui étaient propagées dans l'organisme à l'égard du cancer. Donc, ça, on ne pouvait pas le voir. C'est sûr que. Puis il y avait une bosse aussi proche de l'autre bosse. Fait que peut-être que c'était une autre métastase parce que la bosse, avant que ça fasse une plaie qui se mette à saigner, c'était une petite bosse sous la peau qui a pris de l'ampleur au fil des jours. Elle a augmenté de grosseur. Puis à un moment donné, bien, la peau s'est ouverte. Et là, il y avait de l'infection. Et puis à un moment donné, bien, la plaie s'est mise à saigner, et ainsi de suite. Puis à côté, il y avait comme une autre petite bosse. Fait que peut-être que c'était une autre tumeur, je ne sais pas. Bref, il était dans une voie sans. Il n'y avait pas vraiment d'issue. Donc, c'est ça. Par rapport à l'euthanasie, ma compagne et moi, on était là vendredi passé en après-midi chez le vétérinaire. Et c'était bien parce que c'était dans un local avec de la petite musique douce où s'est déroulée l'euthanasie avec des lumières tamisées. Ça faisait penser un petit peu là, ben, un peu l'atmosphère de salon funéraire. Tu sais, une atmosphère propice à l'introspection là, tu sais, avec des, tu sais, c'était des couleurs là. Il y avait des couleurs blancs, du noir. Tu sais, c'était pas des couleurs vives, pétantes, là. Tu sais, c'était propice à l'introspection, la petite musique douce. Il y avait une boîte de mouchoirs aussi. Tu sais, et je voyais que c'était un lieu qui était aménagé là, pour respecter la sensibilité là, des gens qui vivent la perte d'un animal. Et pour l'euthanasie en tant que telle, c'était en deux étapes. Premièrement, dans le fond, il se faisait piquer une substance pour créer. Une relaxation pour le calmer, pour créer une espèce d'état de détente, là. Donc, dans un premier temps, une injection pour l'engourdir. Ça a pris environ 10 minutes là, pour qu'elle fasse effet. Puis, dans le fond, une fois qu'il était engourdi, par la suite, ça a été l'injection létale par voie intraveineuse. Donc, c'était une substance pour amener le cœur à arrêter de battre. Donc, la première injection, c'était pour que le chat ne sente rien lorsqu'il va être injecté, celle létale, étant donné que parfois, en vieillissant, les veines sont moins droites là, et que cela fait parfois mal parce que des fois, il faut qu'il reprenne la piqûre. Et l'injection létale, en tant que telle, ça a duré quelques secondes. Et à aucun moment par rapport aux deux injections, on l'a vu souffrir. La première injection pour l'engourdir, ça a pris environ 10 minutes qu'elle fasse effet. Et une fois qu'il était calmé là, avec l'injection, au début de l'injection pour, dans le fond, le calmer, au début, à un moment donné, il se mettait à miauler parce qu'il réalisait qu'il se passait quelque chose d'inhabituel, ou c'était l'endroit aussi, parce qu'il n'était pas habitué avec l'endroit qui faisait qu'il miaulait, puis à un moment donné, il s'est calmé, calmé, progressivement. Puis là, par la suite, il y a eu l'injection létale. Au moment de l'injection létale, ça a duré quelques secondes. Je l'ai pas vu là à miauler ni rien là. Il était vraiment calme. Ça s'est fait vraiment dans la douceur. Ma compagne et moi, on était là, puis on le flattait, on était attentif à lui. Puis par la suite, la vétérinaire a pris son stéthoscope, elle a regardé le cœur, puis elle a constaté que le cœur ne battait plus, tout simplement. Donc, c'était fait. Il était à ce moment-là décédé. Par rapport à cet événement-là, ça m'a ramené au décès de mon père. En fait, j'avais 17 ans lorsque mon père est décédé en 1998. C'est dans un contexte différent d'aujourd'hui, naturellement, au moment où est faite cette capsule audio. Et dans mon cas, mon père était décédé là, probablement d'une surdose de morphine, étant donné qu'il était atteint d'un cancer généralisé. C'est un cancer de l'intestin. Qui avait bouché son intestin, puis là, il s'était propagé à l'ensemble de l'organisme. Mon père avait perdu beaucoup de masse musculaire, dans le sens qu'il était squelettique. Et puis, hyperventilé. Et puis, à un moment donné, il respirait. À un moment donné, il arrêtait de respirer. Il reprenait la respiration. C'était comme stressant, ça créait une tension quand que je l'ai vu mourir au dernier moment de sa vie, alors que le show, avec le protocole d'euthanasie, en deux étapes, relaxant musculaire, ensuite injection létale qui dure quelques secondes. Tu sais, c'était même pas une minute. J'ai trouvé que le protocole par rapport au show, dans le fond, était moins, en tout cas de ce que j'ai vu à comparer de mon père qui est décédé, moins souffrant. Mais à l'époque, en 98, la question de mourir dans dignité ou pratiquer l'euthanasie pour des gens qui ont des problèmes de santé irréversibles, extrêmement souffrants, c'était pas autorisé au Québec. Mais avec le recul, probablement que le type d'euthanasie qu'a vécu mon chat, mais transféré à mon père, aurait été plus approprié. C'est ce que je pourrais dire, là. Mais sinon, la particularité de la succession d'événements qui ont eu cours vendredi passé, où je vois le chat avec une hémorragie, je bloque la Je mets quelque chose pour que ça arrête de saigner. Il rencontre une vétérinaire d'urgence pour l'évaluer. Ensuite, elle évalue sa condition puis propose l'euthanasie. Tout ça va très vite. Et dans les jours qui ont précédé la mort, en tant que tel, je n'ai pas vu le chat qui miaulait avec un type de miaulement lié à la souffrance. Quand il avait un problème avec son urètre, il n'était plus capable d'uriner. Là, il miaulait, puis on sentait que c'était souffrant là, par rapport au son qu'il émettait. Tandis que là, le chat restait calme, il ronronnait. Puis, c'est ça, quand que je l'ai vu le matin avec sa plaie qui saignait, c'était un petit peu surréaliste comme situation parce que c'était plus moi que ça mettait sous tension que lui, j'avais l'impression. Mais en même temps, comme le chat ne s'alimentait plus, bon, il buvait encore un peu d'eau jusqu'à la dernière journée, mais minime. Peut-être qu'il y avait moins d'énergie aussi pour miauler et extérioriser sa souffrance. Mais le portrait que j'ai eu jusqu'au... Ben, quand il était dans le bureau de vétérinaire, c'était un environnement inconnu, fait qu'il était plus sous tension, mais pendant tout le temps qu'il était chez moi en train de dépérir, j'ai eu un portrait de mon chat qui restait quand même assez calme. Puis je le flattais, même dans les derniers jours, là, avant qu'il meure, puis il ronronnait encore. Hein? Puis le matin, ben c'est sûr, il y avait sa plaie, puis il y avait du sang qui sortait. Puis lui, c'était comme, il restait calme. Puis moi, ben j'étais comme énervé, puis là, j'appelais le bureau de vétérinaire d'urgence, et ainsi de suite. Puis là, je réalisais que finalement, c'est moi que ma réflexion, etc., que je suis stressé. Ensuite, le chat était calme. Ensuite, j'ai été voir, c'est sûr, le bureau de vétérinaire. Eux autres sont habitués là, de faire face à différents animaux, différentes choses. Fait qu'ils ont été très calmes, très professionnels dans leur approche. Le vétérinaire qui nous a accompagnés là, lors de l'euthanasie était très respectueuse. Puis après que, dans le fond, l'animal était euthanasié, ben, elle me dit, regarde, dans le fond, moi, j'ai accepté de faire l'euthanasie parce qu'elle dit, autrefois, quand elle a commencé dans la profession, était obligée d'euthanasier les animaux lorsque les gens le demandaient. Puis là, elle disait, ben là, c'est parce que ça donnait place à des formes d'abus, là, style la personne, elle a un animal de compagnie, ah, c'est pas à la bonne couleur, on va demander que ça soit qu'il soit euthanasié, et ainsi de suite. Là, elle dit, il y avait comme des caprices qui amenaient de l'euthanasie. Puis elle dit, aujourd'hui, au niveau de mon code de déontologie en tant que vétérinaire, j'ai le droit d'accepter ou de refuser. Qu'un animal soit euthanasié, là, que de faire l'acte de l'euthanasie. Et elle avait accepté parce qu'elle disait, regarde, 16 ans en âge, puis compte tenu de ses problèmes de santé, puis du fait qu'il restait de dépérir, ben, elle dit, ouais, je pense que vous avez. Ben, ça venait à dire son propos qu'elle trouvait qu'on avait pris la bonne décision. Et puis, elle dit souvent, ben, regarde, les animaux vivent de 12 à 13 ans, vous êtes rendu à 16 ans, c'est quand même très bon. Puis là, j'ai dit, est-ce que le type d'alimentation peut avoir une incidence par rapport à sa vie, dans le sens qu'on prenait de la nourriture là, pour les chocs des problèmes urinaires, mais quand je regardais les propriétés, c'était quand même assez sucré à l'égard des croquettes. Ben, elle dit, peu importe. Elle dit, dans le fond, il y avait un problème d'insuffisance rénale. C'est souvent l'affaire, comme je vous l'expliquais tantôt, je ne reviendrai pas là-dessus là, par rapport au chat. Donc, c'est comme une question de programmation, hein. Quand je regardais ça, ça me faisait penser un petit peu à un véhicule automobile. Dépasser un certain kilométrage, la transmission risque de lâcher ou rendu un certain kilométrage d'utilisation d'un auto, bon, ben c'est les freins qu'il faut changer, etc. Si on peut changer certains éléments. Donc, là, c'est sûr, c'était quand même fondamental. On parlait des reins. Et puis, dans le fond, par rapport à tout le phénomène de l'euthanasie que j'ai observé, en réalité, ça va quand même assez vite. C'est-à-dire que l'être humain, nous autres, quand on réfléchit, avant qu'il y ait l'euthanasie la journée du vendredi, puis c'est sûr, c'est une idée qui me passait par la tête dans les jours qui ont précédé en voyant sa condition se dégrader. Je veux dire, vas-tu souffrir lors de l'euthanasie? Ça va-tu être long? Tu sais, j'étais beaucoup en mode réflexion avec mon intellect. Alors que par rapport à l'événement, comme je vous expliquais, ça a été quand même assez rapide. Donc, au total, la première injection, environ 10 minutes. Ensuite, l'autre, c'est même pas une minute, disons 11 minutes. Ça a été quand même assez vite. Puis là, ça m'a amené une certaine forme de paix de l'esprit, le fait que ça a super bien été, etc. Puis, en même temps, ben, j'étais dans un sens, une forme de libération parce que si le chat n'aurait pas été euthanasié, puis je l'aurais repris chez moi, puis dans les jours qui auraient suivi, il ne s'alimente pas ou il se met à devenir squelettique, etc. Puis sa qualité de vie se dégrade parce qu'il a moins d'énergie pour se déplacer, et ainsi de suite. C'est peut-être pas nécessairement mieux, là. Et puis, en même temps, ben, si l'euthanasie qui est faite par rapport à des êtres humains qui sont diagnostiqués avec des maladies incurables, là, comme par exemple un cancer généralisé, ça s'opère avec le même type de calme et de contexte, un peu comme le chat, ben, c'est comme ça me rassure, hein, dans le sens que ça n'a pas l'air trop souffrant là, en termes de fin de vie, là. Puis, dans le fond, par rapport à ça, ben, c'est sûr que quand je regardais les choses avec recul, ben, je me suis dit, ben, bon, ça aurait été peut-être préférable si mon père aurait pu bénéficier de tout ça lors de son vivant, comme type d'euthanasie, là, vu que sa condition là, était dégénérative, il n'y a pas de possibilité de retour en arrière là, par rapport à son cancer généralisé. Fait que ça m'a amené ce type de pensée-là mentale. Puis en même temps, bien, ça m'a ramené au fait que si à un moment donné, j'ai un problème de santé grave, puis j'ai à vivre l'euthanasie, bon, mais si c'est similaire par rapport à ce qu'a vécu le chat, ça n'a pas l'air trop souffrant, là, tu sais. Parce que souvent, un des éléments qui nous crée de l'anxiété ou de l'angoisse, c'est naturellement la crainte de souffrir au moment de la mort. C'est tout à fait compréhensible. Fait que là, c'est sûr que là, je suis en période de deuil. Et là, je me levais le matin, puis là, je me suis dit, bon, souvent le réflexe, j'avais à penser quand j'ouvrais la porte de regarder pour pas que le chat essaye de rentrer parce qu'il aimait aller dans la chambre. Fait que là, il y a des choses qui vont, je vais me déconditionner de sa présence. Là, c'est sûr que dans mon cas, le deuil se fait facile pour me réinvestir mon énergie ailleurs, étant donné que je suis censé avoir un enfant là, dans quelques semaines. Fait que là, mon énergie est centrée sur ce projet-là. C'est-à-dire que, dans le fond, j'ai à préparer la venue de l'enfant, à regarder pour les vêtements, les meubles. Donc, ça m'amène dans une dynamique d'un projet qui me mobilise par rapport à l'accueil d'un autre être vivant. Donc, de canaliser, si je le regarde au niveau psychologique, canaliser autrement mes énergies par rapport à un autre être vivant. Donc, il y en a un qui part, mais il y en a un autre qui arrive. Donc, c'est sûr, en termes de contexte, de circonstances, ben, c'est dans un sens, c'est quand même bien pour m'occuper. Mais c'est sûr, d'accompagner le chat dans son décès, pour moi, c'était important. Puis d'avoir vu qu'il n'a pas souffert, puis de voir c'est quoi aussi le phénomène de l'euthanasie. C'est un petit peu un tabou social encore aujourd'hui d'en parler, quoique c'est de plus en plus socialement accepté. Puis de me familiariser avec le phénomène, ben c'est une bonne chose que j'ai vu le chat là, jusqu'à son dernier souffle. Parce que ça m'a permis de voir c'est quoi en personne, comment est-ce que c'est de l'expérimenter, d'accompagner justement un animal là, dans sa mort. Donc, puis par la suite, ben, j'ai eu une discussion avec ma compagne. Et c'est sûr que, tu sais, la vétérinaire, avec une certaine sensibilité, essayait de bien faire en disant, ben, elle dit, les êtres humains, ils ont une âme et les chats, eux autres, ils ont ce que certains appellent un instinct, dans le sens que j'ai pas vraiment compris ce qu'elle voulait dire, mais c'est comme s'ils se rattachaient à une forme d'égrégore collectif où ils sont régis par une force qui les anime, qui leur donne certains comportements instinctifs qui sont dans le fond, qui continuent à. Lui, elle disait, le chat continue à vivre à travers l'instinct animal. Ben, dans un sens, tu sais, c'est comme l'adulte qui continue à vivre à travers ses enfants, ou en fait, c'est l'instinct qui a vécu à travers notre chat, puis il vit à travers d'autres chats, ou on pourrait dire l'égrégore collectif associé à la conscience des chats, les consciences félines. Puis là, ça m'a fait penser à Rupert Sheldrake. Par rapport à sa théorie à l'égard des champs morphogéniques qui se rapportent à différentes espèces animales. Donc, une espèce de champ d'énergie qui va coordonner les animaux. Tu sais, si on prend par exemple des fourmis qui vont être organisées d'une manière très stricte au niveau social, bon, ben, la fourmi qui est ouvrière ou qui a fait certaines tâches pour créer une fourmilière n'a pas nécessairement la vue d'ensemble, mais c'est comme une espèce d'égrégore d'énergie qui fait en sorte que la fourmi est en contact avec un réseau qui lui permet d'avoir un rôle dans le cadre d'un collectif qui soit cohérent. Même chose par rapport aux abeilles. Donc, il y a des abeilles ouvrières, il y a la reine, et ainsi de suite. Donc, pour que ça soit cohérent, la force est organisatrice, ou un peu comme un banc de poissons qui se dirige en même temps, ou un groupe d'oiseaux qui vont être dans les airs, là, qui vont être en formation en V, puis vont se diriger d'un endroit vers l'autre. C'est comme une espèce de champ d'énergie, ce qu'on va appeler le champ morphique, qui se rapporte à une espèce animale. Et donc, suite au décès de mon chat, ben, c'est sûr que au niveau occulte, la façon que je vois ça, c'est que le chat a cessé d'exister. Est-ce que le chat avait une âme individualisée? Non, j'en ai pas l'impression. Donc, mais par contre, sa conscience devait être. La façon que je vois ça, c'est qu'elle est liée à l'égrégore félin, l'égrégore de l'ensemble des chats. Donc, une espèce de champ d'énergie. Puis, c'est un champ d'énergie aussi qui est en relation, dans le fond, avec les chats qui ont déjà vécu dans le passé, etc. Puis, probablement qu'il y a du mémoriel associé à mon chat par rapport à son vécu expérientiel qui est entreposé là, dans une espèce de champ d'énergie. Puis, ça va être l'ensemble des espèces de type féline qui peuvent en bénéficier là, par rapport à son vécu. Dans un sens, là, si on a accès au champ d'énergie, c'est un petit peu la façon que je vois ça comme un réseau. Sur Internet, vous avez des gens qui sont connectés, là, par exemple, des gens d'un peu partout dans le monde qui s'intéressent à étudier, ça peut être les champignons. Bon, ben, les gens qui, un peu partout dans le monde, étudient les champignons vont se connecter à des réseaux, puis ils vont discuter ensemble, vont échanger ou des conférences en personne. Donc, c'est un petit peu le même principe. Donc, la façon que je vois ça, c'est qu'il y a des champs morphogéniques par rapport aux différentes espèces animales. Et par rapport à Rupert Sheldrake, j'ai fait une petite recherche sur Google. J'ai tombé sur une entrevue qu'il avait accordée, là, que j'ai trouvée très intéressante. Et je vais vous partager le lien parce que quand même, c'est un biologiste qui a amené une vision différente là, par rapport aux animaux. En émettant l'hypothèse il y a plusieurs années que les animaux étaient interconnectés entre eux par rapport aux champs morphogéniques. Et c'est la même chose par rapport aux êtres humains. Il disait, par exemple, dans l'enregistrement, il dit par rapport le lien mère-enfant, c'est un des liens les plus significatifs, puis une expérience qu'il proposait aux gens qui ont des enfants. C'est-à-dire que la mère, au moment où ce que elle va avoir des montées de lait, c'est souvent simultanément au moment où ce que le bébé va pleurer parce qu'il a besoin de nourriture si le bébé est allaité. Et ça, même à plusieurs kilomètres de distance. Donc, si la mère est partie faire des commissions au magasin, elle dit, ce qu'il proposait de faire, c'est que la mère prenne en note par écrit au moment où il y a une montée de lait, puis l'autre personne qui garde l'enfant, comme par exemple son conjoint, alors qu'il est parti magasiner, prenne en note au moment où le bébé pleure parce qu'il a faim. Puis il disait que ça arrivait souvent, que c'était exactement le même moment. Donc la mère soit là en personne ou à des milliers de kilomètres de distance. Il y avait comme une espèce, comme si les deux étaient interreliés là, par-delà la distance. D'où, dans le fond, une observation qui irait dans le sens ce qu'on va appeler de non-séparativité quantique ou ce que certains appellent l'intrication quantique entre deux éléments, là, par-delà l'espace et la distance. Donc, c'est quand même intéressant là, comme phénomène. Il y en a d'autres aussi qui sont abordés dans l'enregistrement avec des exemples aussi que, d'expériences que les gens peuvent faire. Donc, c'est quelque chose que j'étudie ces temps-ci. Et puis, bon, je vais terminer l'enregistrement en vous disant à bientôt. Et voilà pour le suivi que je voulais faire, parce qu'il y a quelques jours, j'avais parlé que mon chat était malade et je pense que c'était comme la moindre des choses que je boucle, comme on dit, la boucle, c'est-à-dire dire qu'est-ce qui est arrivé par rapport à mon chat. C'est sûr que dans la vie, ce qui arrive, c'est pas tout le temps ce qu'il faut faire plaisir à l'ego naturellement. Moi, en tant qu'ego, j'aurais aimé ça faire une visualisation individuelle ou collective qui aurait favorisé la santé du chat. Le chat retrouve sa santé, mais c'est pas tout le temps comme ça dans la vie. Et ça me ramène au principe que l'ego ne contrôle pas. Et aussi, faire preuve d'une forme d'humilité parce que en réalité, on peut vouloir que le chat soit en santé, mais ça se peut que le chat le veuille pas nécessairement. Même chose pour l'alimentation. Moi, dans les jours qui ont précédé son décès, je lui montrais des bols de nourriture proches de lui, puis à plusieurs reprises, puis je voulais qu'il mange. Mais à ce moment-là, j'étais inconscient du fait que, par rapport au fait qu'il y avait une insuffisance rénale, ça l'amenait à avoir potentiellement des nausées et ne pas avoir le goût de manger, pour pas augmenter les réactions de nausée par rapport au fait que son organisme n'était pas capable d'assimiler adéquatement là, les éléments qui étaient filtrés. Donc, un certain niveau d'inconscience peut amener l'être humain à vouloir ce que l'animal mange, mais en réalité, quand on comprend la dynamique dans laquelle il s'inscrit par rapport à son type de problème de santé, on réalise que finalement, ben, c'est normal que l'animal ne veuille pas manger. Pourquoi? Ben, parce que c'est pas agréable pour lui de manger. Donc, des fois, on veut des choses, mais si on n'est pas assez à l'écoute de l'animal ou on n'est pas assez empathique ou compréhensif de sa compréhension, ben à ce moment-là, les choses qu'on veut ne sont pas nécessairement appropriées par rapport au stade où se trouve l'animal. Donc, ça prend une grande sensibilité pour composer avec des animaux. Et puis, avec le recul à l'égard de tout ce qui a été vécu, ben c'est sûr que ça m'amène à comprendre davantage certaines choses. Bon, c'est sûr que mon animal en vieillissant, peut-être ce que j'ai manqué, ça a été dans les dernières années, il aurait fallu que peut-être une fois par deux ans, ou en tout cas un certain intervalle, je fasse, dans le fond, je demande à la vétérinaire un bilan de santé générale de l'animal, là, chose que j'avais pas faite. Avec le recul ou de regarder si c'était toujours pertinent de donner la même nourriture et ainsi de suite, donc des réévaluations peut-être un peu plus fréquentes. Parce que moi, dans le fond, j'allais pour les problèmes de santé de l'animal, mais quand il se manifestait, je ne cherchais pas nécessairement à faire des bilans de santé régulièrement. Bon, peut-être avoir mis peut-être un peu plus l'emphase sur la prévention, mais même à ça, si après un certain nombre de temps, le rein qui vieillit fonctionne moins bien pour filtrer, quand même qu'il y ait à tous les ans des bilans de santé, il y aurait eu quand même le problème d'insuffisance rénale là, pareil, là, pour des raisons de programmation. Et cette programmation-là, c'est sûr, si on n'est pas capable de la renverser, ben ça amène une dégradation de sa condition qui va l'amener vers la mort. Là. Donc, il faut être capable d'accepter des choses qui ne peuvent pas être changées dans la vie, naturellement. Et puis, c'est sûr que s'il y a des gens qui ont eu à faire des deuils d'animaux là, dans les dernières années, les derniers mois, ben, je vous salue en particulier. Et là, c'est vrai, c'est ce qu'il faut terminer cet enregistrement. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.